Exercice 9, page 92. A. On part ? Transformer ? Non, nous ne partons pas. B. On vient ? Transformer ? Non, nous ne venons pas. C. On saute ? Transformer ? Non, nous ne sautons pas. D. On ouvre ? Transformer ? Non, nous n'ouvrons pas. E. On entre ? Transformer ? Non, nous n'entrons pas. F. On ose ? Transformer ? Non, nous n'osons pas.